causerie de rentrée du mois de septembre. Pour les gens qui ont découvert le CIRA par hasard, deux mots. Donc le CIRA, c'est un centre d'archives sur le mouvement anarchiste. Hein, donc en ce moment, on vit les derniers mois dans ce local, puisque nous avons... déjà, nous avons été mis dehors par la mairie de Marseille, puisque ce local appartient à la mairie de Marseille, mais nous avons trouvé quelque chose rue Consola, pas très loin d'ici, et nous y serons dès 2012. Donc ce sont les derniers mois que nous vivons dans ce local. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pierre Jouventin, qui, c'est la première fois qu'il vient ici, il est déjà venu nous parler des animaux, de la nature, des rapports entre nature et culture, à deux reprises. Et aujourd'hui, le thème de la causerie est sur le tableau, sur l'écran plutôt, et c'est à l'occasion de l'apparition d'un livre qui est paru en 2010, qui s'appelle « La raison des plus forts ». La raison des plus forts qui rassemble, et Pierre nous en dira plus, qui rassemble les actes d'un colloque qui s'est tenu en 2009. Donc Pierre est là parce qu'il fait partie de ceux qui ont rassemblé les textes, organisé le colloque. Il n'est pas tout seul, il nous dira avec qui il a travaillé. Donc Pierre, pour ceux qui ne le connaissent pas, est maintenant à la retraite, mais il a fait toute sa carrière au CNRS et il a terminé directeur de recherche. Donc il connaît bien les animaux puisqu'il a vécu lors de ses missions, notamment en Antarctique, 75 mois je crois, c'est un chiffre que j'ai trouvé sur internet, qui fait plus de 6 ans à vivre au milieu des manchots et auparavant en Afrique avec certains singes dont il nous parlera. Donc c'est un spécialiste de l'écologie comportementale, du comportement des oiseaux, des mammifères, en Antarctique, dans les îles australes. Il avait publié un bouquin qui s'appelle « Confession d'un primate » qui est paru chez Belin il y a maintenant une dizaine d'années, je crois. Il a écrit de nombreux articles. Et bon, un mot sur l'éditeur. Donc Imo, c'est un éditeur indépendant qui fait un peu de tout, de la littérature, de la bande dessinée, des livres jeunesse. Et il a une collection qui s'appelle Radicaux Libres, qui est, comme son nom l'indique, assez radical. Donc plusieurs livres sur la nature et puis un livre de Claude Guillon sur les enragés pendant la Révolution. Bon, je crois avoir lu. Si, dans les projets de Pierre, il y a un livre sur une louve avec laquelle il a vécu et un livre qui devrait paraître l'année prochaine. À toi la parole. Merci. Donc, je vais vous parler donc des droits de l'animal et surtout du problème que ça pose, c'est-à-dire est-ce qu'on doit négliger les droits de l'homme pour s'occuper des droits de l'animal. C'est souvent ce qui est opposé aux les humanistes disent « Bon, ben, il y a assez de problèmes comme ça. » Et d'ailleurs, je vois que vous êtes ici et que vous n'êtes pas au G7 de l'économie, alors que c'est autrement plus important, que le sort de la planète en dépend, que l'Europe en dépend. Donc, est-ce qu'il n'est pas plus sérieux de parler du social et du politique que de l'animal? Eh bien, la réponse se trouve dans la question, si je puis dire. C'est-à-dire que dans la mesure où on considère que le social, c'est uniquement l'homme, de la même manière, quand vous dites « tu ne tueras point », eh bien, on ne s'imagine même pas que c'est autre chose que l'homme. Donc déjà, notre culture est déjà très orientée, anthropocentrée, on dit, c'est-à-dire centrée sur l'homme, et ce qui fait que, en fin de compte, tout l'animal a été mis de côté, oublié, ce qui fait qu'en réalité, pour comprendre l'homme, pour avoir une définition de l'homme, il faut avoir un moyen de comparaison. On a toujours comparé avec des sociétés différentes, mais on n'a jamais comparé avec l'homme, du moins c'est récent. Depuis 1970 à peu près, les Américains, les Nord-Américains, États-Unis, Canada, Australie, se sont lancés à fond, à la fois dans les études de genre, mais ça j'en parlerai pas, et puis d'autant plus que c'est très dans la mode en ce moment, et puis d'autre part, ils se sont lancés dans les problèmes d'animaux, c'est-à-dire éthique animale, philosophie animale, et donc c'est ce dont je vais vous parler. Alors, moi je suis, ma compétence dans ce domaine, je ne suis pas juriste, je ne suis pas philosophe, mais je suis éthologue, c'est-à-dire que l'animal ne parlant pas, il faut arriver à comprendre ce qu'il dit, et il vaut mieux évidemment avoir fait des études et de la pratique pour y arriver. Donc c'est sur ça que je vais parler. Alors le plan de l'exposé, vous le voyez, donc on va d'abord mettre dans le contexte, c'est-à-dire